sur l'ordinateur. Changer, hein. J'ai mis du thé sur mon. You were sitting on 11 when you're sitting, 11 on